Le comité préparatif suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands évêques de Saint 2017, le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des aides du jeté ont publié le 27 septembre une déclaration commune contre le secrétaire général de l'ONU qui se démène à la légère en calomniant la République populaire démocratique de Corée en collusion avec les forces conservatrices pro-américaines de la Corée du Sud.